Écoutez bien, vous allez entendre Jean-Marie Le Pen, président du Front National, président du groupe des droites au Parlement européen. Mes chers compatriotes, merci de m'accorder quelques minutes de votre attention. Car je n'aurai peut-être pas d'autre occasion de m'adresser à vous pendant cette campagne électorale. Dès que je parle de porc, ça part au cou. Va pas me faire croire que bouffer du porc, c'est cool. Je suis malade, en effet, je suis malade, rien n'y fait. Je suppose que c'est aussi de ma faute si le petit cochon est ici. Je répète, dès que je parle de porc, ça part au cou. J'entends des grognements de trucs de cochon dans la foule. Eh, des dents là, qu'est-ce que tu veux, toi, Pen Cassine? Oui, bien moi aussi j'ai une idole, et je tiens à le dire, j'ai une idole, c'est Lynn Renault, et elle me téléphone tout le temps, oui, elle me dit, allô, Le Pen, ici Lynn, Le Pen, ici Lynn, Oh, mais enfin, elle est complètement piquée, cette Pen Cassine. Tu joues les canards, mais au fond, tu n'es qu'un porc, et un porc restera toujours un porc. Alors le porc prenait forme humaine. Il tiendrait les propos de ce bâtard de Le Pen. Nous le porc on l'aime bien, comme à la bataille. Et on prend avec du pain et on le cisaille. Que les choses soient claires, ils veulent ma peau et je veux leur. Je parle du porc, une porc, son escorte qui porte ainsi, je suis pas leurré. Pour des idées de fils de pute, aucun pardon. Si Jean-Marie courait aussi vite que je l'emmerde, il serait tellement loin. Avant je les détestais, mais aujourd'hui je les aime tellement loin. Les mecs du Front National à coup de crosse. À coup de crosse. Et puis le premier qui s'en mêle au désastre. Alors, sauve-toi de là quand ça pue le porc. Porc. C'est pourquoi je vous demande de faire entendre cette cassette autour de vous.